Bonjour et bienvenue à un autre épisode des Archéologues du Rock. Aujourd'hui, nous parlons de... De mémoire rock. Ah, hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Bonne année, Hélène! Bonne année, Caroline! Et avec la bonne année, est arrivé aussi le renouvellement du site web, donc on en a pour une autre année à vous jaser de rock! Excellent! Donc, on parle de mémoire aujourd'hui, Hélène, mais veux-tu bien me dire de quoi il s'agit? Ben, c'est un concept théorique assez complexe, on parle souvent de mémoire quand on parle d'Holocauste, là, c'est très très deep et pas joyeux. Donc on va y aller par le chemin inverse, on va y aller par des exemples en premier, puis à la fin, on va peut-être arriver à une définition. D'accord, ça marche. Donc la première chose qu'on pense quand on pense à mémoire, on pense à des souvenirs. Effectivement. Et c'est pas un secret que la musique crée un grand réservoir de souvenirs. Mm-hmm. Je pense que ça... Bon, on l'a déjà dit dans d'autres épisodes, souvent, la musique est la trame sonore qui accompagne les moments forts de notre vie, fait que forcément... Et même des moments faibles. Faibles, oui, tout à fait. Donc forcément, on a des chansons ou des groupes qui sont associés à certaines périodes ou à certains souvenirs précis. Mm-hmm. Ou à des moments. Moi, je me rappelle, j'ai déjà été chargée de cours à Ottawa et à l'époque, une de mes chansons préférées, c'était... une chanson de Death Cab for Cutie avec Passenger Seat. C'était ça me rappelait tous les voyages entre Ottawa et Montréal que je faisais durant cette session-là. C'était très émotif et j'écoutais cette chanson-là sur repeat. Et voilà. Moi, personnellement, toutes les chansons que j'ai écoutées sur repeat dans ma vie étaient des plaisirs coupables, donc je vais les taire juste pour préserver ma réputation. Ceci dit, on se dirige tranquillement vers un premier extrait musical qui est fait partie de ma mémoire musicale à moi. Il s'agit de la pièce Take Five de Dave Brubeck. C'est jazz, on s'éloigne. Oui, on s'écarte. J'ai le souvenir de mon père qui m'a souvent fait écouter cette pièce-là sur un 33 tours, sur un système de son qui sonne comme ça se peut pas. Un bon vieux système de son, je pense qu'il avait acheté ça dans les années 70, temps où les pièces étaient toutes faites en métal et non en plastique comme de nos jours, puis que ça pète à rien, tu sais. Puis que ça chauffait, ça devait chauffer, ça devait être chaud cette affaire-là. Écoute, je pense qu'on n'a jamais monté le son à plus que 3. Okay. Parce que ça nous pétait dans les oreilles. C'est fascinant. Puis bref, il mettait ce 33 tours-là de Brubeck, puis il tripait vraiment sur cette chanson-là. Puis il me disait « Écoute ça, Caro, écoute la passe! » C'était de toute beauté, donc on va aller écouter un extrait de ça. Une passe. Thank you. Parlant de jazz, pour faire un pont vers le rock, je me permets la parenthèse, je suis retombée il y a 2 semaines environ sur un groupe que j'écoutais beaucoup quand j'étais adolescente et dont j'avais complètement oublié l'existence. Non, en fait, je pense que c'est ton copain qui m'a rappelé l'existence de ce groupe-là la dernière fois que je suis allée chez toi. Mais Vishnu Orchestra. Moi, je connais pas ça. On dirait un truc de yoga, là. Mahavishnu Orchestra. En fait, c'est un peu une fusion entre le jazz et le rock. Il y avait, entre autres, si ma mémoire est bonne là-dedans, le guitariste John McLaughlin. Ah, OK, oui, avec le bassiste de Miles Davis, puis je pense le drummer de Cream. Ah, ouais? Quelque chose comme ça, ouais. Puis ça a donné un projet assez intéressant. Ah, puis Jean-Luc Ponty aussi, au violon. Ah, ça, c'est vraiment du jazz, ça. Ponty, c'est vraiment du jazz. Ouais, mais bref, en tout cas, ils ont élaboré une espèce d'hybride entre le jazz et le rock qui était super intéressant. Tu vois, ça aurait été très pertinent d'en passer un extrait parce que c'est justement une mémoire qui a été ravivée récemment. On y reviendra. Je connais Mahavishnu Orchestra finalement avec John McLaughlin parce que j'ai beaucoup lu sur Aerosmith au courant de l'année dernière pour un article qui va paraître un jour. Et Aerosmith, une des premières tournées importantes qu'ils ont fait aux États-Unis était en première partie de John McLaughlin. Ah oui! Et c'était des aveux des membres du groupe, surtout avec la rétrospective. Le pire match de l'univers. OK, dans quelle mesure? Que c'était comme des... Mahavishnu Orchestra, c'est des virtuoses, là, oui, vraiment, vraiment. Et Aerosmith qui commençait là, avec leur Boston Rock, là, c'était pas vraiment des virtuoses, là. C'était vraiment comme... on fait de la musique parce qu'on aime ça boire puis coucher avec des... mais ils ont beaucoup appris apparemment à travers cette tournée-là. En tout cas, je vous invite à fouiller un peu de ce côté-là. On mettra un extrait sur notre page web. Parfait. Pour votre bon plaisir. Ceci dit, retournons nos moutons. La mémoire, une des autres facettes, une des autres apparitions, on peut dire, de la mémoire, c'est toutes les fameuses encyclopédies, histoire du rock, des timelines aussi. Cette semaine, Google a paru une timeline de la musique qui est... en fait, son grand avantage, c'est qu'elle est facilement... Décodable pour les non-initiés. User-friendly, comme on dit. Là. L'interface est vraiment magnifique. Là. Ça se navigue très, très bien. Voilà, ouais. C'est le mot que je cherchais. Donc, à travers toutes les certaines branches du rock, on peut cliquer dessus. Il y a des albums qui apparaissent en dessous. On peut aller acheter les albums directement ou les écouter sur Google Play. Donc, ça devient vraiment... ça devient vraiment comme exponentiel assez rapidement, une espèce d'arborescence intéressante. Il y a eu des critiques, cela dit, de cette timeline-là, que c'est incomplet, qu'il y a des grands pans qui sont oubliés. Et c'est un peu ça, en fait, le problème avec toutes les histoires et les encyclopédies du rock, c'est qu'il y a nécessairement une sélection qui est faite, donc c'est une certaine version de l'histoire qui... C'est subjectif, finalement. Qui, à quelque part, qui est mise à l'avant. Mais ça, on peut dire ça non seulement de l'histoire du rock, mais de tout type d'histoire. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des grands revirements révisionnistes après, quoi, 10-20 ans, là. C'est comme, non, la Révolution tranquille, c'était pourri. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Bien sûr, là, il y a des extrêmes, des fois, qui disent, l'Holocauste n'a pas existé, bien sûr. Mais oui, c'est ça. Non, c'est sûr, hein? Oui, c'est ça. Mais bon, généralement, ça ne va pas jusque-là, généralement. Donc, finalement... Et généralement, on publie quand même. On publie... décortiquer. En fait, qu'est-ce qui est le plus intéressant, selon moi, à travers des timelines et des histoires comme ça, c'est de décoder qu'est-ce qui est mis de l'avant, donc qu'est-ce qu'on veut essayer de faire à travers cette histoire-là. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut représenter ou c'est ça? Oui, c'est ça. Mettre en lumière. Mm-hmm. Donc, finalement, les encyclopédies et l'histoire écrite, finalement, du rock contribue énormément à créer une espèce de mémoire qui est plus collective un peu que nos propres mémoires à nous. Oui, mais... à officialiser un peu cette mémoire personnelle-là aussi. Oui, exactement, effectivement. On retourne en extrait musical, cette fois-ci, avec un de tes souvenirs à toi, Hélène. Oui, un de mes plus vieux souvenirs, moi, quand la musique m'a été introduite beaucoup par ma plus grande sœur, qui est née en 1974, donc qui est plus âgée que moi. Et on écoutait Much Music à l'époque, mm-hmm. C'était avant Musique Plus. Et à chaque fois qu'il y a un vidéoclip qu'elle aimait beaucoup, jouait, elle était comme « All right! » Puis moi, j'étais « All right! » Copycat. Oui, oui, complètement. Et un de ces vidéoclips-là que j'aimais vraiment beaucoup, je me rappelle beaucoup à l'époque, c'était « What about love, the heart? » Et en fait, je pense que je m'en souviens parce que la fille, une des deux filles, aujourd'hui je sais que c'est Nancy Wilson, dormait avec sa guitare et j'étais comme... Hein? Ouais, on a pourquoi? Regardé l'extrait tantôt. Pourquoi elle fait ça, la madame? C'est vraiment tendre, hein? C'est de toute beauté. La donc, façon qu'elle a de se retourner sur son manche pour oui, ne pas de faire se... de mauvais genoux. De se recroqueviller avec son instrument. Donc, je me souviens vraiment bien de ce clip-là. Et même si j'étais vraiment jeune, je pense que j'avais 4-5 ans quand ça jouait. Quelle année, ça, déjà? 86, ouais. Ok, ouais, ouais. En tout cas, dans ces eaux-là, mm-hmm. On y va tout de suite avec What About Love? En fade out, on sait pas quand commencer. La suite logique de la création d'une mémoire et d'une histoire à travers les histoires, les timelines, les encyclopédies, c'est la formation de canons. Donc la canonisation d'œuvres et de musiciens, de groupes et tout ça. Donc Saint Paul McCartney, ouais, Saint ouais, John ouais. Lennon, Saint Elton John. Et ça, encore une fois, c'est... Comme le sont les encyclopédies et les timelines et tout ça, c'est encore quelque chose de subjectif. Oui, c'est quelque chose de très créé. Quand on regarde, ça c'est quelque chose de fascinant. Quand on regarde les fameuses listes. On a parlé des listes au dernier épisode et les canons prêtent très, très bien aux listes. Donc, les listes des meilleurs albums des 50 dernières années, mm-hmm. les meilleurs artistes des 100 dernières années, des trucs comme ça. On remarque que les 10 premières positions se ressemblent vraiment beaucoup tout le temps. Oui, c'est pas mal toujours des mêmes gens qu'on parle. Oui. Ceci dit, un truc qui ne ment pas, c'est par exemple les meilleurs vendeurs. Oui. Sauf que, pourquoi c'est des meilleurs vendeurs? Parce qu'on en a parlé puis qu'on les a canonisés d'une certaine manière, j'imagine. Mais les meilleurs vendeurs d'aujourd'hui, c'est comme Katy Perry, c'est Justin Bieber. Est-ce qu'ils seront canonisés? Ça m'étonnerait. C'est ça. Parce qu'en fait, qui crée les canons, c'est souvent les critiques et journalistes musicaux. Mm-hmm. Et souvent les journalistes critiques musicaux. Depuis peut-être le début des années 80, fin des années 70, il y a une division qui s'est faite entre ce qui vend et ce qui est bon. Donc, ce qui vend est rarement bon. Quand ça commence à vendre beaucoup, comme U2, ça devient moins bon, bizarrement. Mais quand ça vendait pas, c'était bon. Donc, il y a comme une relation anti-quantitative là, qui se met en route. Ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 60-70. C'est vraiment très, très étrange quand on regarde l'histoire de la critique musicale. Les années 60-70, ce qui vendait était pas bon ni mauvais, ça vendait, il n'y avait pas de problème. Là. Mm-hmm. Déjà, le rock était une culture beaucoup plus jeune, même en formation carrément, donc peut-être qu'il n'y avait pas cette... Quand ça vendait, c'était comme signe que « Ah ah, hey, regardez, on a raison, hey, ça vend, hey! » Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus jours, cette preuve-là. Il y a une certaine catégorie de gens qui se désintéressent des artistes qui commencent à vendre un peu trop. Oui, en tout cas, oui. Moi, j'en ai fait partie pendant longtemps, aujourd'hui, je m'en fous. Ben, c'est bien, ça! Donc, les canons, on parle des Led Zeppelin de ce monde, on parle... Ben, les Beatles, Rolling Stones, Dylan, c'est comme la grande trilogie. Mm-hmm. David Bowie, à quelque part. Marvin Gaye, une des rares personnes de couleur à faire souvent les tops. Mm-hmm. Parce que, je sais pas, il y a comme une bizarre de relation avec les Noirs dans la musique rock. On va en parler un jour de ça. Sex Pistols, souvent. Patti Smith dans les femmes aussi, il n'y en a pas souvent. Puis Patti Smith, elle arrive très souvent dans les tops. Michael Jackson, de plus en plus. Mais quoi qu'il y ait un certain backlash à cause de. Pas d'événements, mais de rumeurs qu'on connaît par rapport à Michael Jackson. Ouais, fait qu'il est plus difficile à faire passer parmi les grands. Toi, ce serait quoi, mettons, ton canon préféré? Je sais qu'on en parle souvent, puis on a même des fois des commentaires un peu comme, bon, encore les Beatles. Mais je suis une grande fan des Beatles, j'avoue. Ben, tu sais, l'histoire t'a donné raison aussi, hein? C'est plus moi qui ai donné la raison à l'histoire, parce que j'ai résisté pendant longtemps, puis à un moment donné, je me suis abandonnée. Voilà. Moi, je sais pas si je peux les classer parmi vraiment, mais je dirais pas que c'est mon préféré, mais j'ai envie de parler de... M'as-tu le dire? Voyons, blanc de mémoire, de Black Sabbath. Black Sabbath, que... Ben moi, j'ai beaucoup étudié le métal, et Black Sabbath, le premier band aucunement controversé par rapport à l'histoire du métal, comme par exemple Led Zeppelin et... Deep Purple, c'est comme... quand tu parles à des fans de métal, ils sont pas ça, mais Black Sabbath, c'est... unanime. C'est clair pour tout le monde. C'est les fondateurs du métal, les papas du métal, les parrains, comme appelez ça comme vous voulez. Mais c'est vraiment le premier band métal aucunement controversé. Excuse-moi, vas-y. Le gars de Rob Zombie, le gars de White Zombie, il a déjà dit le Black Sabbath, ces gars-là ont fait tous les riffs, comme tous les riffs de métal, c'est décélère, c'est des riffs de Black Sabbath. Ceci dit, oui, on va diffuser un extrait qui n'est pas parmi les plus originaux. On va aller écouter Iron Man. Mais Hélène me faisait remarquer quelque chose de très drôle tout à l'heure, selon quoi Ozzy, des fois, il est un peu large quand vient le temps de composer une mélodie vocale. Puis quand ça y tente pas, ben apparemment qu'il fait juste suivre la mélodie de la guitare, puis que c'est ça que ça donne. Alors, on va aller en écouter un criant extrait. Yeah. Ça finit comme ça? Oui, c'est le même, ça finit. All right. Donc, un autre phénomène relié à la mémoire rock, c'est tout... Qu'est-ce que je mets sous le... dans le chapeau des réunions, des retours, des compilations. Mm-hmm. Et depuis une couple d'années, mes amis, il y en a à beaucoup. Un puis un autre, oui. Comme on dit. Donc, même, par exemple, un festival comme... qu'on a l'été d'Oceaga, ben, l'été dernier, c'était The Cure, qui était l'été les headliners. Précédent, il me semble qu'il y avait eu un autre gros band d'une autre époque aussi. Oui, il n'y avait pas New Order aussi, comme cet ouais, été. Donc, on parle vraiment de bands dont leur période de gloire était durant les années 80 et que depuis ça, là, ben, les années 90, ils ont fait une petite coupe d'affaires, mais c'est vraiment de la nostalgie qui carbure à l'œuvre, finalement. Les albums hommages... pullule, que ce soit pour Jean-Pierre Ferland, Sylvain Cossette qui fait n'importe quel ouais. tune des années 70 puis qui enregistre ça. Exact. Il y a des shows. Sans même les modifier, je me suis dit. Moi, oui, ça c'est me fait vrai. Capoter hein. un peu. C'est vrai. Ah. Il y a des spectacles de vedettes des années 80 qui font des espèces de. Des shows compilations, là, que tu vas entendre les grands succès de Rick Astley puis Blondie en même temps, et pas de problème. Puis ça vend vraiment beaucoup et ça pogne pas seulement pour. Pour nos grands-parents, parce que là, une couple d'années, ce genre de phénomène-là, c'était comme dédié à nos grands-parents. Mm-hmm. Là, c'est à nous que c'est dédié. Moi, ça me fait capoter. C'est très drôle. Le dernier que j'ai vu, ben, qui est plus ou moins adressé à nous, mais je suis convaincue qu'il y a des gens de 30 ans, là, c'est Cruise to the Edge. Et je l'ai mis sur le site, je l'ai mis sur la page Facebook des archéologues du Rhin, parce que ça me fait vraiment trop rire. Donc, une croisière prog. Ouais. Tu peux aller voir « Yes ». Marillion, Steve Hackett, là, genre, je ne parle plus de tous les noms, là, mais... Une croisière de rock progressif, mesdames et messieurs. Apportez vos speedos et vos chandails de loup. Vraiment. Donc, on s'en va en extrait, une deuxième chanson de suite reliée à l'univers de Ozzy. Oui. Et une chanson qui a fait un grand malheur, pour peut-être les mauvaises raisons, au début de l'année, donc là, quelques semaines seulement. Michel Richard qui reprend Crazy Train à l'émission Belle et Bombe. Donc, on va passer à un extrait, ça, parce que. Un extrait, là, parce que vous allez comprendre pourquoi on passe à un extrait quand vous avez écouté. On n'a pas besoin de l'entendre au complet. Non. Et il y a Patrick Bourgeois qui joue de la guitare. En faisant des faces. En faisant des faces. Oui, de gars satisfaits de ce qui se passe. Les faces de guitariste, là. Ouais, exactement. Mais ça représente exactement ce que. Comment essaie d'illustrer à travers cette parcelle du phénomène de mémoire. Donc, une artiste qui était extrêmement populaire durant les années, quoi, 60, 50, peut-être 60? Peut-être même avant ça, ouais, c'est ça. Jeunesse d'aujourd'hui, comme à l'époque Jeunesse d'aujourd'hui, qui reprend un succès des années 80 par quelqu'un qui s'est surtout fait connaître, qui s'est d'abord fait connaître durant les années 70, une chanson qui est encore... beaucoup d'actualité, dans le sens où on entend encore beaucoup une chanson donc canonisée à quelque part, Crazy Train. On entend, je pense, au Centre Bell, quand les Canadiens jouent. Oui, sans doute. Donc, et à une émission, Belle et Bombe, où il y a plusieurs reprises, où il y a plusieurs artistes qui se font connaître en faisant des reprises, même il y a des petites sections acoustiques, les chansons de ta vie, parle-moi de tous tes souvenirs musicaux avec un piano acoustique. Mais non, c'est vraiment une bonne émission, ça. Je te dis. Confie-toi. Non, mais c'est vraiment une bonne émission, je ne vais pas dire que... Mais ça, c'est vraiment une émission qui est sous le régime de la mémoire, si on peut dire. Mm-hmm. Et voilà. Donc, allons-y avec Michel Richard et son interprétation de Crazy Train. l'a compris. On a compris le propos. Merci, Michel. Que j'aime. Moi, j'aime Michel. Oui. Elle s'aide pas. Mon Dieu, qu'elle s'aide pas. Ben, elle est sympathique. C'est comme un petit animal de compagnie attachant. Comme diva. Ben, c'est une diva, là. C'est... Oui, oui, capable de faire des crises. Puis, elle sait comment aller chercher l'attention des médias. Ça, c'est clair. On va y donner ça. Oui. Ceci dit, j'ai failli repartir nos micros pendant qu'on entendait l'extrait parce qu'effectivement, comme le disait Hélène, c'est pire sans les images. C'est quelque chose, Caroline. Bon, alors, dernier bloc concernant la mémoire, les références. Le rock devient vieux, on s'en souvient aussi à travers les multiples références que les musiciens mettent en place dans leur musique. Madonna, à une certaine époque, en faisait beaucoup. Oui. Faisait référence à Andy Warhol, mais des fois même elle faisait référence à l'art, donc pour... insuffler une bonne dose d'art à sa musique, on fait référence à Andy Warhol dans ce temps-là. Exactement. Lady Gaga aujourd'hui fait référence à Madonna à l'époque. Mm-hmm. David Bowie, aussi le maître des références, mais David Bowie, il a instauré quelque chose, lui, il fait référence à sa propre carrière. Ouais, c'est et ça. Et ça, depuis comme la fin des années... Il s'auto-cite depuis comme la fin des années 70, donc avant qu'on soit né, donc ça fait comme longtemps. Donc, dans Ashes to Ashes, par exemple, il parle de Major Tom, qui est une figure qu'il a introduite dans Space Oddity. Mm-hmm. Son dernier album, juste pour fermer la boucle, son dernier album, The Next Day, reprend mm-hmm. la pochette de son album Heroes, et il a juste comme mis un truc blanc par-dessus avec... Il dit non, c'est pas Heroes, ça s'appelle The Next Day. Mais c'est une très, très belle pochette, cela dit, mais okay. ça fait référence à sa propre histoire. Ben, c'est quelqu'un qui a confiance musicale. En lui, disons. Oh oui, de toute façon... Moi, je l'aime beaucoup, David Bowie. Ben, moi aussi. Je pense qu'il a écrit des très, très, très grandes choses. Et une dizaine d'années à peu près, il y a un groupe canadien pop-punk là, qui était pas très bon, désolé, qui s'appelle Sum 41, mm-hmm. Qui a parti à un groupe fictif qui s'appelle Pain for Pleasure. En fait, c'est des les personnages de Pain for Pleasure étaient des Écossais, donc je devrais dire Pain for Pleasure, quelque chose comme ça. Et... ils ont fait une chanson à la fin de leur premier grand succès, Fat Lip. Ils ont fait la chanson Pain for Pleasure, qui était à même le vidéoclip. Mais sur leur album, c'était une chanson séparée. Donc, on va l'écouter et c'est une chanson qui fait énormément référence à Black Sabbath, à Iron Maiden. Mm-hmm. Et d'ailleurs, les gars de Sum 41 ont toujours dit que c'était des grands, grands fans de Iron Maiden. Et ça s'entend. Donc, on va aller écouter ça. Comique, là, c'est de les voir aller avec le costume puis de... ils se prennent pas au sérieux pour 2 secondes. Non, c'est vraiment drôle. Sympathique. Aussi, je pense que la preuve ultime qu'il y a comme de la mémoire en jeu de plus en plus dans la culture rock, c'est une espèce de décélération culturelle. Mm-hmm. La musique d'hier est toujours extrêmement présente dans nos vies. Quand on Il y a comme une espèce de meme qui se promène sur Internet qu'on pense que 1980... Comme, je pense tout le temps que 1990, c'est vu le 10 ans. Mais ça fait 20 ans. Les années 90, ça fait 20 ans. Donc, ça fait des espèces de décalages qu'on écoute encore Seinfeld, on écoute encore la musique des années 90 comme si elle venait d'être faite. Et je pense que la fois que j'ai le plus pris une débarque dans vie, c'est quand j'ai réalisé que la chanson 1979 des Smashing Pumpkins, une chanson de 1995, donc en fait, elle parle d'événements, le titre fait référence à 1979, donc il y a 16 ans entre 1979 désolé, et 1995, et entre 1995 et aujourd'hui, il y a 19 ans, donc on a dépassé le temps, et pourtant, en 95, l'année 1979, c'était vraiment de la préhistoire, c'était vieux que le yard. Et aujourd'hui, 1995, c'est comme hier. Et c'est au-delà du fait qu'on était vivante à l'époque, là, c'est-à-dire, la mode a changé, mais pas tant que ça. La musique, tu sais, il y a pas tant de choses qui ont changé. C'est vrai, c'est vrai. Depuis, par rapport à mettons, notre adolescence, là, c'est quand même assez relativement stable en termes de mode, puis de... Il y a des anomalies, là, comme les gros pantalons fat pants là, qui étaient reliés avec à la culture des couleurs flash, à la culture rave, là, mais à part ces petits blips là, moi je trouve que c'est ça, comparativement 1995 versus 1979, que c'est deux mondes. Voyons, pré-Nintendo, là, ça fonctionne pas. Fait que tout ça pour dire, dans le fond, que nous, on a fait pause dans notre tête alors que la vie a continué d'avancer. Oui. Et malgré tout, il y a une espèce d'accélération culturelle qui se passe aussi en même temps. Fait que c'est très, très étrange à faire. Ben, l'accélération culturelle, elle a beaucoup à voir avec l'accessibilité aussi. Oui, puis la technologie. Et la technologie, c'est sûr. On n'a même pas le temps de digérer ce qu'on consomme. Là. C'est hallucinant. Donc, pour se remémorer cette chanson d'une autre époque, on va aller en musique avec tout les Smashing Pumpkins. 1979. Les citrouilles écrasées. Ride above the street. Donc, c'est déjà presque tout pour l'épisode à propos de la mémoire. Est-ce qu'on est arrivé à une définition? Je pense pas. Je pense qu'on est arrivé à une espèce de plein de, justement, de phénomènes, une espèce de, d'emprise qu'ont les phénomènes de, d'hier, aujourd'hui, dans, la, dans le rock en général. Mm-hmm. Donc, on continue à traîner nos vieilles références et c'est une bonne affaire. Et c'est ce qu'on fait à, dans les épisodes des archéologues du rock, d'ailleurs. Exactement. C'est méta, on a... c'est super méta. Exact. À la limite, on contribue à ce phénomène à notre manière. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se revoit bientôt et je pense que peut-être notre prochain épisode sera avec un collaborateur. On espère. Oui, on si tout se passe bien, on devrait vous proposer un épisode sur les produits que nos vedettes nous vendent. Si on... La publicité, mais on va voir si on est capable. Sinon, on va trouver un autre sujet, il n'y a pas de problème. Exact. Sur ce, soyez sages et rendez-vous la prochaine fois. À la prochaine!